Dans Brescia, dans Milan, on a vu des bandits écraser du talon le sein des vierges mortes. Des vieillards au front blanc, massacrés sur leurs portes, imprimaient à leurs seuils leurs doigts ensanglantés. Et les petits enfants, du haut des toits, jetés, étaient reçus en bas, sur les pointes et des pics. Les mines de Tobolsk, les cachots des tropiques, Cayenne, Lambessa, le Spielberg, les pontons sont pleins de nos douleurs. Seigneur, nous en sortons. Nous nous nommons le peuple et sommes une plaie. Le genre humain saignant est traîné sur la claie. Nous venons de l'exil, nous venons du tombeau, et nous vous rapportons l'âme, votre flambeau. Ô Dieu juste, il est temps que votre bras nous venge. Quels sont vos meurtriers et vos bourreaux? Dit l'ange. Et d'une seule voix, ils dirent: Les soldats.